On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je suis parti, toi, depuis le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sers que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon. Je suis des doigts d'honneur au smith. Pour voir ce que nous vivons. En plus d'histoire et le truc que ça m'y donne. Oh, même si je m'étonne. Si mon heure sonne, oh, on pleure pas, rigole. Oh, c'est ma team pour cette monde à plafond. C'est la rime, je peux y arriver, ça serait beau. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Et il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'insomnie. Je suis dans l'insomnie. Tu m'aimes plus, hein, ouais, mec, on parle plus. Il jalouse, on a le truc, je les comprends pas, faut que je parle plus. Trop d'attentes, c'est trop fort, trop d'albums. Je trouve ça ton match, tu me dis c'est la bombe. Regarde, je fais comme je peux, je ne sais pas dire, non c'est fini. Nous en plus, c'est trop loin que nous vivons. Une critique, oh le bâtard, que une chaîne ne pique à tard. Eh ouais, fais le bing, vous le sens pas quand je dis le radar. L'OVNI, ça galère, oui on l'a connu. Couteau dans la plaie, ils aimeraient qu'on roule. L'OVNI, c'est des men, je te donne un phonium. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Et il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'insomnie. Je suis dans l'insomnie. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Et il parle de moi, il me casse les couilles. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Et il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'insomnie. Je suis dans l'insomnie. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Love me.